Alors d'abord, merci d'être venu un samedi matin froid ici pour participer à cette journée. On aurait souhaité qu'il y ait plus de monde, mais apparemment, c'est moins de courageux que vous. Cette journée est organisée par l'Université populaire de Tours, anciennement Université pour tous. On est une association à but non lucratif et non affiliée à un quelconque courant politique, c'est important de préciser. Et l'Université populaire de Tours s'inscrit dans une tradition universitaire. Il y a des associations de ce type un peu partout en France, on n'est pas la première. Une tradition universitaire et populaire de formation continue qui est ouverte à tous, avec un objectif de promouvoir une forme d'élévation culturelle, de curiosité, d'ouverture au monde et surtout de se poser des questions, sans a priori. Il nous semble très important, notamment dans le contexte actuel et sur la question qu'on va aborder aujourd'hui, d'habiter précaire, de sortir d'un champ qui souvent est très médiatisé. Ces questions ressortent à l'occasion d'un événement ou d'une sortie d'un ministre ou d'un président de la République, par exemple, parfois. Donc ce sont on a des focus très ponctuels sur ces questions et nous, on aimerait bien pouvoir aborder ces questions hors justement contexte politique ou autre et plutôt aborder ces questions sur le temps long. Donc c'est pour ça que nous faisons appel aujourd'hui à des chercheurs en sciences sociales qui travaillent eux effectivement sur le temps long, mais aussi des chercheurs qui font un travail de terrain, pas un travail dans leur petit bureau. Un travail qui s'approche souvent de l'anthropologie, même si, dans le cas d'aujourd'hui, on a un géographe, un sociologue et... socio-anthropologue. Anthropologue. Une sociologue qui pratique aussi l'histoire sociale, on peut dire. Une approche plus historique. Précisons que cette journée est organisée par l'Université populaire de Tours, mais en association... avec Créville, dont je fais partie, dont certains membres de Créville sont dans la salle, Centre de ressources électroniques sur les villes, qui est à la Maison des sciences de l'homme de Tours. L'association Confluence, qui est une association d'étudiants en géographie, qui malheureusement ne sont pas là, parce qu'il se trouve qu'ils ont un week-end à Nantes, je crois, de formation. Et puis par le collectif de réalisateurs sans canal fixe, dont on projettera cet après-midi un film. Aussi, il faut remercier l'association Jeunesse et Habitat qui nous accueille ici dans le foyer Jeunes Travailleurs. Alors, pourquoi une journée sur l'habité précaire? Je vais juste être très rapide. Ce que nous souhaitons, c'est parler de la précarité, du mal logement autrement qu'à l'occasion, comme je le disais, d'un fait divers, la publication d'un rapport ou de la visite d'un ministre. Événement qui rappelle beaucoup trop ponctuellement et trop médiatiquement l'existence de questions cruciales qui s'opposent pourtant en permanence. Donc, ce que nous souhaitons, c'est aussi que vous, le public, vous puissiez intervenir dans ce débat. Une large place sera faite au débat après les interventions, afin que vous puissiez nous faire part de vos expériences, donner votre avis, réagir, etc. Dernière petite précision, les interventions et les débats seront enregistrés, puisque nous avons l'intention de les mettre en ligne sur le site de Créville et sur le site de l'Université populaire de Tours. Alors, sur le déroulement de la journée... nous allons avoir une première intervention de Claire Lévy-Vreland qui va nous faire une ouverture, plus une mise en perspective historique des questions de mal logement, de sans-abri, etc. Puis une intervention de. Alors, vous avez, je ne sais pas si vous avez vu, il y a des petits papiers avec quelques petites précisions biographiques et quelques références sur les différents intervenants. Donc Claire Livre-Roland, qui est professeure de sociologie. Ensuite, nous aurons une intervention de Claudia Girola, donc anthropologue, maître de conférence à l'université de Paris 7, Diderot, qui, elle, va aborder la question de la place des sans-abri à Nanterre autour de la... Pas exclusivement Nanterre ? Non, pas exclusivement. Bon, alors je la laisserai dire toute seule ce qu'elle va présenter. Ensuite, nous aurons un débat avant la pause du déjeuner. Et cet après-midi, nous aurons la projection d'un film, Patrick est reparti, qui est un documentaire participatif qui a été réalisé par Anne Voltrèche, qui fait partie donc de Sans Canal Fixe, comme je l'avais dit. film qui s'intéresse aux occupants d'un foyer d'hébergement, le foyer Paul Bert, qui se trouve donc dans le quartier Paul Bert à Tours, et surtout sur leur place dans ce quartier, sur leur relation avec les habitants du quartier. Il y aura normalement aussi la présence de Patrick Tachet, qui est l'un de ces personnes hébergées, qui était hébergé dans ce foyer et qui a participé à ce film, à ce documentaire participatif, et qui a pris une place au fur et à mesure du tournage très important dans ce film, vous verrez. Et donc, normalement, il sera là aussi pour le débat qui suivra, donc en présence d'Anne Voltrèche, la réalisatrice. Et puis, après ce débat et cette projection de film, nous aurons une intervention d'Olivier Legros, qui n'est pas encore là, qui arrivera cet après-midi. Olivier Legros, qui est maître de conférence en géographie à l'Université de Tours, et qui travaille aujourd'hui sur les politiques institutionnelles vis-à-vis des populations Roms qui sont en France, dans les villes de France. Voilà, et cet après-midi, Françoise Dureau, qui est ici, qui est géographe et démographe, qui est directrice de recherche à l'Institut de recherche et développement au laboratoire Migrinter à Poitiers, a accepté donc de gérer les débats et d'être discutante. Françoise travaille plutôt aujourd'hui sur les mobilités spatiales des populations citadines en Amérique latine. Voilà.